Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. 4e épisode, La folie. Amanda, à Tanger, auprès de Paul Bowles, écrivain, tente de comprendre à travers son témoignage et des extraits des textes de Jane Bowles, son épouse, la relation complexe et destructrice qui unissait cette femme à sa mère. Amanda y voit le reflet des rapports qu'elle entretient avec sa propre mère et également une déclinaison du lien filial étrange qui unit Irène, la femme qu'elle aimait, à sa mère également. Chez Jane Bowles, les limites extrêmes qu'elle atteignit semblent prendre racine dans ce lien toxique à sa mère et l'ont conduite au-delà de la raison, jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Malaga, où elle vécut ses 10 dernières années. Quelques jours seulement et vous me retrouverez ici avec vous à la table familiale. Comment peux-tu annoncer calmement le nombre de jours que peut durer une absence ? Ça n'avait pas été un véritable coup de foudre, mais Jane Bowles s'était imposée à nous, à Irène et à moi, avec le temps, comme l'écrivain que nous préférions parmi les auteurs féminins du XXe siècle. On aimait surtout cet humour permanent, à fleur de texte, qu'elle utilise pour décrire toutes les situations, surtout les plus tragiques. C'est ce qui nous plaisait par-dessus tout, cette manière faussement candide qu'ont ces personnages de dire des choses dévastatrices, sans en avoir l'air. Ce que nous aimions aussi, chez Jane Bowles, c'est son sens de la mise en scène des événements banals de la vie des femmes, qui deviennent, avec ses mots, hilarants et grinçants à la fois. Et ce décalage permanent entre l'idée que se font ces héroïnes de la réalité et la réalité même, enfin la leur. Ces personnages féminins agissent désespérément pour ne rien laisser paraître de leurs troubles et ressembler à tout le monde, sans y parvenir, jamais. C'est cette manière d'écrire la folie ordinaire, quotidienne, apprivoisée, contrôlée jusqu'au dérapage fatal que Jane Bowles décrit si brillamment, que nous aimions si fort avec Irène. C'est aussi ça qui m'avait poussée jusqu'à Tanger, en 1995, entre Noël et le jour de l'an, sous une pluie continue et exceptionnelle. Et c'est toujours ça que je goûte encore, aujourd'hui, des années plus tard. Quelques jours seulement, et vous me retrouverez ici avec vous à la table familiale. Comment peux-tu annoncer calmement le nombre de jours que peut durer une absence ? C'est carrément obscène ! Avez-vous jamais entendu une chose aussi obscène et sacrilège ? Comment voulez-vous que j'aille au bureau, l'air propre, net et sereine, quand j'entends des choses pareilles à la maison ? Quand ma propre sœur me déclare, sans sourciller, qu'elle va être folle, mais quelques jours seulement. Après cela, aller au bureau l'air normal, c'est impossible. Mais non, je vais pas être folle. Mais tu viens de me dire que t'allais devenir folle. Tu l'as entendu comme moi, Berthe. Oui, elle a bien dit quelque chose de ce genre. Maintenant, dites-moi au moins ceci. Est-ce que je vais tous les matins au bureau, parfaitement nette et soignée, ou est-ce que j'ai l'air d'une clocharde ? Tu as l'air tout à fait convenable. Alors, pourquoi est-ce que mes sœurs me crachent à la figure ? Pourquoi est-ce qu'elles me font toutes ces cachotteries, si je suis si convenable ? Je suis ouverte, moi. Je suis franche. Je dis ce que je pense. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas être comme toutes les autres sœurs ? L'une d'elles est tellement folle qu'elle doit faire des séjours dans une cabane en rondin pour soigner ses nerfs, à mes frais, tandis que l'autre nourrit le projet délibéré de devenir folle derrière mon dos. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas tout l'espace libre d'un seul côté quand on n'a pas d'invité ? Non, n'y touchez pas ! Laissez-la où elle est, jusqu'à la fin du monde. Qu'y a-t-il pour le dessert ? Des restes de pudding au pain, sans raisin. Jane Bowles, Camp Cataracte, nouvelle tirée du recueil Plaisir paisible. À Tanger, Jane Bowles s'était entourée des êtres les plus étranges qu'elle avait rencontrés. Chérifa, qui partagea les dernières années de sa vie, ainsi que Tetoum, Zodélia, Boussif. Des femmes aux prénoms bizarres qui envahissaient son appartement, s'installaient là pour plusieurs mois, puis repartaient. À Tanger, je suis allée revoir Isabelle et Florence Girofi, amies des Bowles. Elles habitaient un immeuble non loin du leur, moins délabré, mais plus bruyant. Il donnait sur la rue et le rez-de-chaussée était inondé ce jour-là. Alors, elle avait cette sacrée manie de téléphoner dès qu'elle quittait Chérifa, qui restait à la maison. Elle se précipitait sur le téléphone et posait 100 000 questions oiseuses, parce que comme elle venait de la quitter, il n'y avait rien d'urgent, hein, n'est-ce pas? Elle posait la question sur la cuisine ou autre chose, enfin bon, une longue conversation. Dès qu'elle arrivait. Elle était un peu terrorisée, c'est ça. Je ne savais pas de quoi, ce qu'elle craignait, mais en fait, elle craignait quelque chose. Mais en somme, nous avions l'impression que les Bowles aimaient une certaine appréhension, une certaine terreur. Ils aimaient ça. Parce que quand Paul entrait dans une pièce, souvent le soir, il racontait à Jenny des faits divers qu'il avait lus dans... C'était Time Magazine paraissait à ce moment-là. Ce n'était pas des faits divers, c'était des événements catastrophiques politiques. Et il la terrorisait aussi. Et alors, quand il repartait, il avait un appartement au-dessus, n'est-ce pas? Alors, quand il repartait, il fermait violemment la porte, tu te souviens? Oui, oui. Alors que Paul était un homme très civilisé et très... Visiblement, il n'a pas l'air de quelqu'un qui va fermer brusquement la porte. C'était une manière de se dégager. Cette porte, je suis passée devant à 4 reprises lorsque j'ai rendu visite à Paul Bowles. Cette porte banale d'un immeuble vétuste des années 50 où Jane Bowles habitait, juste en dessous de Paul. Elle aimait ce mélange de peur et de mystère dans lequel il la faisait vivre. Ces peurs qu'il a dépassées lui échappaient, la faisaient sortir d'elle-même. Elle les retrouvait aussi auprès de Chérifa. Drogue, alcool, médicaments avec Paul, puis avec Chérifa, et quelquefois avec tous les deux. Elle a eu une espèce de congestion cérébrale et Paul l'a emmenée en Angleterre où elle a été soignée. Quand elle est revenue, elle avait perdu une partie de la vue, c'est-à-dire qu'elle ne voyait pas sur les côtés, elle voyait de face. Elle ne pouvait pas rester seule dans la rue, étant donné sa mauvaise vue d'une part, et aussi elle avait naturellement une claudication qui l'empêchait de circuler librement. Et puis, nous nous sommes liés de plus en plus. If it is not a failure of the will, si c'est un échec de la volonté, then my will is sick. Alors ma volonté est malade. It is not laziness. Et ce n'est pas de la paresse. But there is such a thing as a failure of the will, which is agony for the person who suffers from it. Mais il existe un échec de la volonté qui est une douleur extrême pour la personne qui en souffre. I did not suffer for nothing at my age. Je n'ai pas souffert pour rien à mon âge, and I have gone far away down the path of no return. Et j'ai descendu très bas la pente de non-retour. Ce que Jane mettait là en mots, c'était notre cauchemar. Le mien surtout. L'état dont parlait Jane me terrifiait, car je l'avais éprouvé brièvement, par crise. Ça partait, mais ça revenait toujours, ce mal qui fait si mal, que l'on ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il s'arrête. Et comme rien ne l'arrête, l'idée d'arrêter la vie même vient. Avec elle, arrêter ce mal devient possible. C'est tout. Irène, non, elle n'était pas comme ça. Jane Bowles, si. Pour elle, à la fin, ça ne s'arrêtait plus. De pareilles douleurs ne doivent plus exister. Mieux vaut la mort qu'un long meurtre. Avec Irène, on s'était bien sûr également interrogé sur la conversion de Jane en Espagne. Elle, qui était juive, devint catholique à la fin de son existence, alors qu'elle était soignée par Hermana Mercedes, Hermana Asunción, à la Clinica de Los Angeles à Malaga. Lorsque j'ai rencontré Paul Bowles, je lui ai demandé son avis à propos de cette conversion. Il m'a dit n'y avoir jamais cru. Il a eu un drôle de rire. Il m'a déclaré être profondément athée, ne pas croire à la résurrection, ne pas avoir le culte des morts. C'est probablement pour cela qu'il se fichait bien de la tombe de Jane à Malaga. Pourtant, après en avoir longuement parlé avec Irène, moi, je crois à la conversion de Jane Bowles. Cette scène, entre Christina Göring et la petite Mary, nous portait à penser qu'elle y réfléchissait depuis longtemps. Les réflexions de Mrs. Perry me le confirment. L'œuvre entière de Jane est traversée par ce questionnement sur le bien et sur le mal, sur la présence de l'invisible, l'existence de Dieu, dont elle voyait des signes dans les plus petites choses. C'était même obsédée par le bien et le mal. Ah ça oui, ça oui. Et c'est pour ça qu'elle prétendait que nous ne pouvions pas comprendre sa littérature, parce que nous sommes laïcs. Et elle ne croyait en rien de précis, mais enfin, on sentait très bien tout de même qu'il y avait une aspiration à autre chose. Et surtout, le bien et le mal se manifestaient dans un choix de vêtements. Ah oui. Par exemple, quand elle sortait, elle nous téléphonait en disant... Est-ce que je mets la robe rouge ou est-ce que je mets la blanche? Alors, on disait n'importe quoi. Elle rappelait, est-ce que c'est vraiment la blanche ou est-ce que c'est la rouge, etc. Tout était problème, tout était un choix. Et le choix était douloureux. C'est très curieux, n'est-ce pas? Et donc c'était presque bien ou mal de mettre... Oui, c'est ça, c'était bien ou mal. Oui, donc la vie devait être problématique, puisque chaque choix... Oui, tout était problème. À chaque minute. Irène pensait que Jane était une mystique à sa façon. Nous en avions souvent discuté. Jane, comme ses héroïnes, était convaincue d'avoir une mission sur Terre. Son souci constant des autres... Son sens du devoir nous invitait à le croire. Irène et moi avions décrypté ensemble, dans les écrits de Jane, sa tentation pour le sacrifice, son goût du renoncement, son sens immodéré de l'épreuve. Alors, tu veux être honnête et pure comme une fleur, n'est-ce pas ? Si tu ne t'allonges pas dans la vase et si tu ne me laisses pas te couvrir de boue pour que tu ailles ensuite te laver dans la rivière, tu seras condamné à des souffrances éternelles. Veux-tu être condamné à des souffrances éternelles ? C'est le moment de te décider. La boue est froide. Les flammes de l'enfer sont brûlantes. Si tu me laisses opérer, tu n'iras pas en enfer. Ne sois pas trop longue. Irène et moi adorions ces premières pages de Deux Dames Sérieuses. Le mysticisme de Christina Göring nous faisait rire jaune. Ça nous rappelait notre enfance catho. On aimait beaucoup également l'aventure de Mrs. Perry et de son voisin John Drake, qu'elle invite à manger des pommes de terre sous la cendre dans Plaisir paisible. Mrs. Perry demande à John Drake : Ne pensez-vous pas que les plaisirs paisibles sont plus proches du cœur de Dieu ? Et les autres plaisirs ? Ce qui n'était pas paisible et attirait pourtant Jane Bowles. Pour en revenir à la maladie de Jane, il y a des rumeurs à Tanger qui disaient qu'elle avait été empoisonnée, qu'on lui avait jeté un sort. Ou des rumeurs, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas moyen de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que ces rumeurs ont affaire avec du poison, non, du zucker. Et il n'y a pas moyen de prouver quoi que ce soit. Son médecin, qui était très intelligent, une femme, m'a dit « Oh oui, je pratique la médecine ici au Maroc depuis 18 ans et je suis sûr qu'on lui a donné quelque chose, parce qu'elle présente tous les symptômes. Mais c'est tout. Être sûr n'est pas prouvé. Mais Jane n'avait pas peur de Sherifa ? Une fois, oui, parce qu'elle a essayé de me de mettre ses doigts dans mes yeux. Elle m'a dit... c'est vous le serpent dans cette maison. Alors elle voulait me quitter les yeux. Ça ne m'a pas plu parce que je me suis sauvé. Parce que c'était une folle. Vous aviez un peu peur d'elle et Jane avait un peu peur d'elle aussi. Oui, elle avait très peur d'elle, mais elle ne voulait pas l'avouer. Elle l'avouait seulement après avoir été séparée d'elle pendant 5 ans à l'hôpital à Malaga. Elle l'a avoué, elle a dit oui, j'ai très peur d'elle. J'espère qu'elle ne viendra pas ici me voir. Elle n'est pas allée. Et Jane est morte sans la revoir. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait un gros paquet d'immondices, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Elle l'a mis entre les racines d'une grande plante que j'ai encore là sur la terrasse. Oh, cette plante vivait en bas, sur la terrasse de l'appartement en bas où vivait Jane. Un jour, je suis descendu et j'ai dit, le shérif était là, elle vivait là toujours, seule. Je vais prendre cette plante en haut. Elle a dit, cette plante reste ici. J'ai dit, non, je le veux en haut. Elle a dit, ça reste ici. C'est ce moment-là, voilà. Oui. Et s'est approché de moi avec ses doigts, mais... Comme un maniaque, avec une expression très sinistre. Et je me suis sauvé. Et une fois qu'on avait la plante ici, on a regardé, on a décidé, non, il va falloir acheter un pot plus grand et mettre le pot actuel dedans et le rompre. Et la terre va sortir. Et c'est ce qu'on a fait. Mais avec la terre, évidemment, il y avait des racines. Et dans les racines, il y avait un paquet, comme dans un vieux mouchoir ou quelque chose. Et évidemment, la bonne et moi était horrifiée, et on dit, ne le touchez pas, parce que tu vas mourir si tu le touches, évidemment, je l'ai touché. Pourtant, lorsqu'à 26 ans, Jane avait publié Deux dames sérieuses, roman commencé à l'âge de 20 ans, elle avait connu un véritable succès critique et était considérée comme un jeune espoir prometteur des lettres américaines. Elle était fêtée et reconnue comme telle par ses amis écrivains, parmi lesquels Truman Capote et Tennessee Williams. Avec Irène, ça nous désolait que presque personne ne la connaisse en France. On regrettait de devoir la légitimer en regard de ses amis célèbres, d'être obligé de parler d'elle en disant « la femme de Paul Bowles ». C'est pourquoi nous avons commencé à parler de ce voyage à Malaga et à Tanger, que j'ai fait seule, quelques années après qu'Irène m'eût quittée, ou que je l'ai quitté. On n'a jamais très bien su. C'était « Au pays de Jane Bowles », un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva, avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Louise-Anne Hippo, Sophie Bourrel, Alain Payen, Geneviève Crouzet, Phèdre et Artemis, et les voix de Paul Bowles, Florence et Isabelle Girofi. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taroni.